Je vais juste réagir d'un point de vue visuel sur, bah, sur cette œuvre, représentation. Il y a une première chose, c'est que ça s'appelle « Buisson du vivant » en français et « Tree of Life » en anglais. Oui. Mmh. Et oui. Avec deux significations pas tout à fait assumées. Très mauvaise dénomination d'anglais. Ça me faisait penser Tree of Life à un film dont je ne me rappelle pas le nom. C'est un flash. Là, c'est l'espèce de bulbou. Là, visuellement, ça me faisait penser à un réseau de neurones. Malheureusement, ça me fait penser aux racines d'un arbre ou à l'opposé aux branches. Ça me faisait penser aussi aux alvéoles des poumons. Ça dépend si on a fumé ou pas. Visuel des fractales. Ouais, on peut parler de LSD après. dans des journées, va bien finir. Des outils que nous on connaît un peu plus, il y a le tout ce qui est mind mapping, le fait de mettre des choses, connecter des idées, de les dessiner ou de simplement les faire des bulles et puis des traits. Ça me faisait penser à un poster que j'ai à la maison aussi. Ce n'est pas un arbre généalogique, qui est un schéma, un organigramme de tous les légumes. Ça reste sur mon truc. Voilà, tout ce qui est visualisation de données, on en parlait justement pour les moteurs de recherche. Ça me fait penser à l'infiniment grand et l'infiniment petit. Je rebondirais sur l'explication que m'a fait Pierre hier soir de l'expansion de l'univers avec la gélie et la Terre comparée à un raisin. Donc s'il a encore 10 minutes, il pourrait expliquer ça. Au moins, j'ai compris. Puis je rebondirai les deux dernières choses sur la sérendipité et puis le fait de pouvoir faire des choses, des découvertes et de la recherche et être curieux de manière un peu organique et aléatoire. Parce que cette structure, je ne le détecte pas dans l'œuvre, dans le buisson en tout cas. J'ai dessiné un arbre avec un petit bonhomme en haut qui risque de se casser la gueule. Il est déjà tombé. Il est déjà tombé. Il s'est écorché au passage. Merci. Jean-Yves, je veux bien continuer. Au-delà de présenter des concepts, des choses un peu abouties, c'est plus deux réflexions dont je voulais vous parler. La première, c'est plutôt autour du rôle du designer, on va dire, par rapport à ce genre de projet. Pour moi, aujourd'hui, le designer, il a aussi un vrai rôle pédagogique dans son travail. Pour plusieurs raisons. La première, on en avait déjà parlé, parce que il met sur le marché, enfin il participe à mettre sur le marché des nouveaux produits, des nouveaux services. On peut se poser la question de savoir dans quelle mesure ces choses-là sont bonnes pour la planète et pour les humains, mais en tout cas, il y a de nouveaux usages qui sont inhérents à ces nouveaux projets, donc il y a ce rôle de pédagogie autour de ces projets. Et puis le deuxième aspect, c'est que le designer, enfin qu'il soit graphique ou pas d'ailleurs, va dans le rôle du designer, on a aussi la capacité qu'il va avoir à matérialiser des concepts, des idées, à formaliser des choses avec le dessin, avec tous ces aspects-là. Et donc, pour moi, ce projet, il est vraiment intéressant par rapport à ça, dans le sens que ça rejoint ce rôle du designer d'être dans la pédagogie et dans la manière d'expliciter des informations qui peuvent être assez complexes via des outils graphiques qui vont simplifier les choses pour tout le monde. Ça, c'est le premier aspect. J'avais noté également cette idée, enfin, ça tourne toujours autour du même sujet, de remettre un élément dans son contexte, d'arriver à matérialiser graphiquement quelque chose pour arriver à le montrer dans son ensemble. Donc ça, c'était le premier aspect. Le deuxième, c'est vraiment lié à mon activité de design au sens propre. La réflexion était de se dire comment est-ce que cet outil qui existe aujourd'hui pourrait vraiment devenir un outil au service d'autres projets. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce mode de représentation en trois dimensions autour de ces ramifications pour parler d'autre chose, sortir de cette idée de l'évolution de l'être humain, enfin en tout cas de l'évolution des espèces. Et par exemple, sur des projets de design, on en a parlé un tout petit peu rapidement avec Gilles hier, sur des projets de design, se dire Gilles, t'es parti du postulat qui est finalement concevoir, c'est faire des choix. Donc c'est un enchaînement de choix qui s'enchaînent, bons ou mauvais, mais en tout cas qui vont donner des orientations sur un projet. Comment est-ce que, par exemple, un buisson comme celui-ci pourrait être utilisé pour matérialiser les choix, matérialiser les nœuds, et montrer les dépendances entre les différentes actions, les différents choix qui pourraient être faits au long d'un projet. Voilà. Après, c'est une réflexion en cours, ça peut être élargi, mais en tout cas, voilà ce que ça m'inspire. Moi ? Ouais. Alors moi, j'ai essayé de... Alors, la première demande, on m'a dit, il faut regarder le lien, le buisson du vivant, l'huile sésame. Je me suis dit, tiens, c'est inhabituel qu'on nous demande des choses comme ça. Le lien à ces objets un petit peu artistiques. Donc j'étais un peu curieuse, je suis allée voir des vidéos. Parce que je ne l'avais pas vu non plus, et j'étais à Luxembourg, donc je ne pouvais pas le voir. Donc j'étais aussi, jusqu'à la visite de ce midi, un petit peu curieuse de me dire, ben, qu'est-ce que c'est, et comment vraiment... qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi, je l'ai plutôt vu en termes de, d'expérience et comment on pourrait, sur base du buisson du vivant, créer d'autres expériences dans le musée pour un peu finalement valoriser ce type de représentation, ce type d'objet. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on a plusieurs choses dans le buisson. C'est premièrement, on a une métaphore claire du parcours des espèces, mais qui pourrait être un parcours utilisateur ou qui pourrait représenter d'autres choses à l'intérieur du musée. On a de la relation à l'autre. La relation à nos cousins ou à nos parents qui étaient des eucaryotes, ou bon, j'ai pas tout retenu, mais la relation à l'autre. Une eucaryote. Je suis une eucaryote, je vous le dis. Nous sommes dans le cercle des eucaryotes anonymes. Aussi la temporalité, l'évolution, puisqu'en fait le buisson de vivant nous remet dans le passé, présent, futur, avec ses branches qui se sont arrêtées, qui sont des branches, ben, voilà, qui questionnent un petit peu le futur. En termes de design, cette temporalité, elle est hyper intéressante parce que on pourrait s'en servir, par exemple, pour inviter les visiteurs à faire des ateliers de design spéculatif, c'est-à-dire des visions du futur, en sachant que peut-être la branche humaine va s'arrêter, ou comment la branche humaine, en tout cas, va peut-être se rescinder, ou qu'est-ce qu'on va faire. On n'est pas obligé de se limiter à la biologie, hein. On peut partir sur la vision du futur au niveau sociétal, au niveau des technologiques, évidemment, comment les technologies vont impacter. Donc inviter les gens à faire ces espèces d'ateliers de design spéculatif, donc de représenter des futurs possibles par rapport à ça. Après, j'ai vu aussi une position, effectivement, comme on dit, un petit peu égocentrique, un stéréotype égocentrique de l'homme dans le buisson, de croire qu'on est toujours au milieu de tout, puis en fait on est juste là, parmi d'autres. Et je pense que ça pourrait être une espèce d'allégorie de faire adopter un autre point de vue aux gens. C'est ce qu'on fait toujours dans le luxe design, on doit se mettre finalement à la place de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire sortir de notre propre égocentrisme, de nos propres suppositions, et aller voir, en fait, commencer d'être quelqu'un d'autre. Éventuellement, là, on pourrait penser à des ateliers, parcours, installations interactives, où on fait adopter à la personne un autre point de vue. Et tout à coup, elle est autre chose que l'humain au milieu de tout, quoi. Et qu'on n'est pas au milieu du cosmos. Quoi d'autre ? Faut que j'en garde un peu pour mon groupe de brainstorming, non ? Ils n'auront plus rien. Ah oui, je me suis dit qu'un truc peut-être rigolo, ce serait de représenter visuellement tous les parcours des visiteurs du musée et de créer un espèce de buisson au lieu de buisson du vivant, le buisson des parcours croisés ou de l'exploration de votre propre musée. Mais ça impliquerait sûrement de traquer un peu les gens, donc bon, il y a des GPS, des loggers possibles, hein. Ça pourrait être aussi un souvenir qu'on donne en imprimé à la personne, le parcours de tous les gens dans cette expérience de musée, qui pourrait stimuler le goût de l'échange. Et on pourrait, alors si on partait loin dans le côté technologique, chaque personne, on pourrait tracer son parcours et à la fin la mettre en relation avec les autres personnes qui ont eu le même parcours, c'est-à-dire le même genre de branche, le même genre de pattern, qui seraient en fait un petit peu vos cousins d'expérience, puisqu'ils ont eu la même expérience que vous. Et ces personnes, vous pourriez peut-être leur laisser un message pour que le prochain, qui est votre cousin d'expérience, qui a fait le même genre de parcours que vous, votre âme sœur muséographique, reçoive votre petit message comme un goût du partage et de l'échange entre les gens. Voilà. Alors, les messages muséographiques, qu'est-ce que ça dit Alors, par rapport à la dernière proposition qui vient de se faire, il y a eu des expériences comme ça dans des expositions qui marchent plutôt bien, d'ailleurs. Je me rappelle une expo en Suisse, il y a quelques années, ça fait presque 15 ans, où, en fait, à un moment donné, vous décrochiez un téléphone et à un autre endroit de l'exposition, le téléphone sonnait. Et donc, un public, un visiteur passait, décrochait, et vous étiez en relation. Alors, c'était un contexte particulier, un thème de l'expo, vous étiez en relation avec un inconnu et voilà, il devait se passer quelque chose. Je ne sais pas si ça a fonctionné ou pas. Mais il y a des tentatives comme ça qui sont intéressantes. Par contre, sur la proposition, ce qui serait à la fois intéressant, c'est des rencontres, créer des rencontres qui, finalement, a priori, de venir à l'expo, n'aurait pas été prévu par le visiteur. Par contre, ce serait des personnes identiques qui se rencontrent. Et ça, c'est pas très bon pour la diversité. Après, on est consanguin et ça coule d'avance. Voilà. Mince alors. Bah alors, peut-être la personne complètement opposée à vous pour vous dire. Ah, ça, ça serait pour découvrir quelque chose d'autre. Oui, c'est-à-dire qu'il croit que le monde a fêté en 6 jours et que les noirs sont moins bien que les blancs. Et que les Auvergnats sont les meilleurs des blancs. Ça serait peut-être utile pour cette personne-là de rencontrer quelqu'un d'autre. Vous savez, la consanguinité, moi, au Luxembourg, c'est petit pays. Hein, ouais, mais les banquiers qui arrivent, ils laissent pas de sous. Ne leur répétez pas. Donc, c'est qu'il y avait d'autres réactions. Je voulais réagir sur peut-être deux choses. C'est par rapport à ce qu'a dit Pierre tout à l'heure sur cet arbre avec l'humain au sommet. Et il n'a pas pu le développer. Ce serait intéressant quand même d'expliquer. Et par rapport à la question que tu posais tout à l'heure, tu as rebondi sur... pourquoi est-ce qu'en anglais on appelle toujours ça un arbre, voilà. Il faut savoir, dans l'histoire du naturalisme, c'est-à-dire des scientifiques qui ont commencé à étudier le vivant et à le classer, donc au XVIIIe siècle, ces savants avaient un modèle qui était l'arbre de Judée, de l'Ancien Testament. Et ces premiers naturalistes, quand ils étudiaient la nature, ils cherchaient Dieu dans la nature. Ce modèle, c'est plus le modèle actuel. Mais il a fallu un certain temps pour passer de l'arbre avec l'homme à son sommet comme étant l'aboutissement de l'évolution, et donc l'humain au-dessus de tout le reste du vivant. Les Écritures expliquaient que les animaux et les plantes avaient été créés pour servir l'humain. Donc, l'humain étant à l'image de Dieu, il est forcément au-dessus, et c'est lui qui gouverne tout le reste. Entre parenthèses, dans la pratique, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais bon, dans les représentations, cet arbre est resté très longtemps. Il a fallu attendre d'autres savants, d'autres scientifiques, pour bouleverser cette perception. Darwin a été celui qui a vraiment bouleversé cette manière de voir les choses, de les penser. Gould, plus récemment. Il n'empêche que dans les livres de SVT, Le Buisson du Vivant, il faut attendre la fin des années 90 et parfois... Et avec réticence dans certaines écoles. Et avec réticence, comme tu dis, dans certaines écoles. On ne les citera pas. Mais on a compris. Il n'empêche que l'arbre du vivant, c'est encore cette manière que les anglo-saxons appellent le buisson du vivant, parce que pour garder le buisson, on appelle ça encore un arbre. Si tu prends un parasol, c'est moins faux. T'as le temps vers le haut, le sommet est plat. Oui. Mais il n'empêche qu'il y a encore des éminents spécialistes, et non des moindres, qui parfois partiquent de langage, la langue fourche, 2 siècles et demi d'habitude, et on entend encore l'arbre du vivant. C'est long, et c'est un travail de longue haleine de combattre les stéréotypes, même pour des spécialistes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Pierre, à la fin de ton cours exposé, qui pourrait être bien plus long, parce que c'est un personnage très intéressant à écouter, Pierre. On apprend des tas de choses sans s'en rendre compte, et on se marre en plus. Tu as parlé, finalement, tu as fait un appel, aidez-nous à combattre le racisme et le créationnisme. Dans l'exposition, et je voudrais développer quelque chose, j'ai pas eu le temps de développer ce matin, mais j'ai eu des questions après, et ça recoupe ce que tu dis. À un moment donné, je vous ai dit, le scénographe a fait une proposition et on a bouleversé les choses. Voilà. Je vais revenir là-dessus. Au départ, quand on pense le projet, on ne pense qu'un seul parcours. On pense un parcours chronologique et un parcours thématique qui sont mêlés. C'est-à-dire qu'on peut avoir, à un moment dans l'exposition, Shiva Nataraja qui, danseur cosmique, je la fais courte, dans sa danse cosmique est en train de détruire le monde qui est imparfait, dans une relation au temps qui est cyclique. Il foule de ses pieds le démon de l'ignorance, il le détruit. En détruisant l'ignorance et le monde imparfait, il recrée un monde nouveau qui est parfait. Enfin, en tout cas, qui est meilleur. Et on aurait pu mettre un modèle du Big Bang à côté. On s'est interrogé et on a fait appel à des focus group pour tester ce parcours. il y avait 7 focus groups qui représentaient en fait puiser à la demande et avec l'accord des participants dans le public de l'ancien muséum où on a commencé à travailler le projet. Et on l'a testé. Donc catégories socio-professionnelles différentes, 7 groupes représentatifs, voilà, des utilisateurs potentiels. Et on s'est heurté à un front, une levée de boucliers. Malgré les explications, il y avait, de leur point de vue, un amalgame et une dépréciation des sciences dures au détriment des sciences molles. Mais même pas des sciences molles. Parce que dès l'instant où on montrait un récit, une statue qui symbolisait un récit, pour eux, ça n'était pas des sciences humaines qui parlaient, c'était les religions, voire les religieux. Donc il y avait un stéréotype et qu'il était difficile donc on s'est dit on va pas faire ça, on va travailler autrement, d'où l'idée d'avoir deux parcours, un parcours chronologique et un parcours thématique qui se regardent, qui se questionnent, et le public qui librement passe entre les deux, en fait qu'un, l'un ou l'autre, fait les deux, va de l'un à l'autre. Donc on est dans un espace libre. Mais j'insiste bien que quand on est dans le champ des représentations symboliques, dans les récits d'origine, ça n'est pas les croyants qui parlent, c'est bien des scientifiques, sciences humaines, des ethnologues, des historiens, etc. Je dis ça parce que Pierre pourra peut-être dire deux mots sur les débuts couleux de notre groupe, où Pierre voyait d'un œil un peu suspicieux un théologien et une philosophe venir parler d'évolution. Et puis, au bout d'un moment, on a réussi à se mettre d'accord en revenant sur le socle commun des sciences, sciences dures et sciences humaines, et pour bien comprendre et accepter qu'on partageait les mêmes principes. Le parcours chronologique. Au départ, on se dit on va partir de l'origine et on va remonter le temps jusqu'à aujourd'hui. Et puis, les scénographes nous disent, au bout d'un moment... Finalement, c'est peut-être pas très intéressant de présenter l'histoire, puisque c'est une histoire qu'on raconte. C'est peut-être plus intéressant de commencer par aujourd'hui, et en remontant le temps, aller à la recherche de cette origine. C'est plus intéressant, finalement, de la trouver à la fin de l'exposition qu'au début. Je dis oui, pourquoi pas, on va se questionner, mais oui, c'est assez intéressant, finalement. Dans le rythme du parcours, c'est sans doute mieux. Donc on a vu, déjà, si en inversant la correspondance avec... le parcours thématique était encore possible. Ça a demandé un peu de travail, mais parce qu'il y a des correspondances, on le voit pas. C'est un peu comme le buisson du vivant. Vous voyez, au début d'une fourche, vous avez encore des liens qui se font. Puis au bout d'un moment, les liens sont plus possibles d'une branche à l'autre, parce que les différences entre les espèces ne rendent plus possible ce va-et-vient entre les deux. L'expo, c'est un peu de la même manière. Au tout début, les liens se font, et puis à un moment donné, ils ne se voient pas forcément, mais il y a des liens cohérents. Et alors, si on inverse un parcours et pas l'autre, est-ce que ça tenait toujours? Quelques petites modifications, ça tient. Et puis, assez vite, on s'est dit, on a trouvé un autre intérêt, un autre très grand intérêt. Et je reviendrai donc à ce que disait tout à l'heure Pierre par rapport à certains publics racistes ou créationnistes. En fait, si vous racontez l'histoire en partant de l'origine jusqu'à aujourd'hui, vous racontez l'évolution de la vie, l'expansion de l'univers, et vous allez vous arrêter à certains moments, ce qu'on a appelé les épisodes, mais en racontant l'histoire dans ce sens-là, les moments où vous vous arrêtez sont des moments de séparation. C'est-à-dire des moments de différence. C'est-à-dire que le moment où une espèce va devenir différente de l'autre. Si vous racontez l'histoire dans l'autre sens, tel qu'on la présente aujourd'hui, et merci aux scénographes, eh bien, on va s'arrêter sur des moments d'appartenance. Et là est toute la différence. Puisqu'on remonte le temps jusqu'à l'ancêtre commun à tous les êtres vivants, même si ce n'est pas le plus ancien être vivant. En tout cas, c'est celui qui est commun à tous. Et c'est cette histoire qu'on raconte, puisque tous les êtres vivants ont toutes la même origine. Et c'est ça l'intérêt, et le grand intérêt de raconter le discours dans ce sens-là. Tu as peut-être une chose à, sans doute à rajouter. Non, mais peut-être, moi je pense que ça donne un sens d'interprétation au Buisson lui-même, je veux dire, puisqu'en fait on part de l'extérieur et on remonte vers l'intérieur et non pas dans l'autre sens. Et c'est pour ça que dans toutes les petites vidéos qui sont introductives à ces épisodes, dans ces petits films, vous partez de l'extérieur et vous plongez dans le Buisson et vous arrêtez à l'endroit précis. Et quand vous êtes un peu plus loin, donc un épisode qui est encore plus loin à l'intérieur du Buisson, vous refaites le même parcours, mais vous allez encore un peu plus loin. Et c'est là où vous voyez, en passant, les branches qui se sont arrêtées à un certain temps et qui n'ont pas laissé de descendance. Mais là, il faut bien se rendre compte que si c'était une saumonnette qui avait fait l'idée des confluences, elle serait partie des saumonnettes. Le Lucas aurait été le même, mais toute la partie dinosaure et tout ça n'y aurait pas été, parce que la saumonnette n'est absolument pas concernée, et ça aurait été un autre musée. Et le problème, si on était parti du début, à chaque branche, il aurait fallu, si on avait tiré à pile ou face pour dire je vais à droite, je vais à gauche, ben on serait jamais arrivé à l'homme. Donc c'est avec une idée préconçue, pour arriver à l'homme, il aurait fallu à chaque faire un million de choix dans un sens, puis dans un autre, guidé. Là, il n'y a pas le choix, mais on a des routes qui sont de A à Y, on arrive, ben on continue. Il est dans sa période saumonnette, mais il a eu sa période champignon de Paris. Oui. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on close cette première partie de la table ronde et qu'on passe à la deuxième partie qui est en fait plus atelier. Donc, on va diviser la salle en trois, hein, en gros. C'est divisé par les branches du Buisson. On a trois designers. Alors, je ne sais pas qui va le... Oui. Ah, ok. I would like to ask a question, because I'm not an artist and I'm not a biologist, but I've been thinking about this Buisson as organizing system. Okay, what else could I do? I'm struck by something that I'd like to have you react to. I mean, Professor Thomas talked a lot about how the sphere is a very democratic representation because all points of the surface are seen to be the same, unlike a tree. But one thing that's very different about trees and spheres is that with trees, when you look at a representation, it's very easy to make judgments about the relative size and areas of part of the tree. But when you transform into a sphere, that turns into judgments of volume. People are very, very bad at making judgments of volume. For example, people don't realize that the volume of a sphere increases cubically with its radius. And that means to me that in the Buisson, there'd be a real bias toward overestimating the amount of life at the edges over time rather than at the core. Is that something you've observed? There'd be a bias toward underestimating the amount of life at the beginning and overestimating the amount of life at the end. Je suis pas sûr d'avoir tout compris parce que je suis un peu sourd, mais oui, un buisson, d'abord il y a des arbres. Moi, quand je parle de buisson, je pense toujours au buis. Enfin, comment on dit en anglais, le buis, bush. Non, le buis, le comme ça, qui est souvent taillé en boule. C'est ton côté Ramon, ça. Voilà, c'est mon côté buis béni. Et le problème d'un arbre, c'est que ça a des bords. Une sphère n'a pas de bord, et dans un million d'années, il y aura... Sur l'explosion, point, non que le point que faisait Bob, c'est le fait qu'on n'a pas forcément les mécanismes, les apprentissages qui nous permettent de nous situer dans une sphère, comme on a, pour des raisons historiques de formation, des habitudes de se situer dans des arbres. Voilà, là, si j'avais un proche affaire au designer ou au sculpteur, j'aurais mis un certain nombre de sphères translucides, emboîtées à l'intérieur, pour montrer que le début, c'était au milieu, et puis toc, toc, toc, toc, toc. Et là, je ne sais pas quel pourcentage de gens se rendent compte que du centre de la sphère à la périphérie, c'est le temps. Ça, la plongée le fait. Oui, la plongée te permet de comprendre. Voilà, mais dans la salle 2, j'aurais mis, mais techniquement, c'est très difficile, des sphères emboîtées.